Bonjour Natacha. Bonjour Doris. Dites-moi un peu ce que tu fais ici à Archipel. Alors moi, en fait, je m'occupe de la communication pour Archipel. Donc c'est un terme très très large qui désigne un peu toutes les tâches à faire pour s'assurer de la visibilité du festival sur plusieurs plateformes, mais aussi en termes de structure, par exemple, tu vois, toutes les banderoles qu'il y a ici, en termes d'affichage, qu'est-ce qu'on va développer ou pas, trouver les deadlines aussi concrètes pour faire les autorisations à la ville, être accepté, faire la communication digitale, qui est d'ailleurs ce que je préfère entre nous, vraiment, ne le répète surtout pas. Mais donc tout ce qui est un peu site internet, mettre à jour le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters, et puis faire en sorte aussi qu'il y a de la visibilité pour les artistes. Donc il y a tout un travail de chercher un peu si les artistes ils sont un peu visibles aussi sur les réseaux, pour pouvoir bien les taguer et pour potentiellement aussi augmenter nos abonnés, puisque nous on aimerait plus d'abonnés aussi sur nos plateformes. Et puis être en contact avec les partenaires aussi, ça c'est très important, qui nous soutiennent et qui nous aident et puis qui du coup nous permettent de pouvoir développer le festival avec de plus en plus d'ampleur finalement. Voilà, puis c'est la deuxième année que je fais ça. J'étais déjà à la communication l'année passée quand c'était l'année spéciale Covid et c'était très différent de cette année parce qu'il n'y avait pas de public, donc c'était vraiment un petit comité, il y avait, oui j'imagine, moins de choses, enfin il y avait des, c'était différemment programmé en fait, toutes les choses à faire, toutes les tâches à faire, mais c'est toujours autant de plaisir. Est-ce que c'est vous qui choisissez les artistes ? Non, je ne choisis pas forcément les artistes, ça c'est plutôt les programmateurs / co-directeurs, directrices Marie Janson et Denis Schuller. Ils ont d'ailleurs, ce qui est super avec leur programmation, c'est qu'ils ont des goûts assez différents, mais du coup, au final, ça crée quelque chose de très diversifié et avec beaucoup plus de couleurs, on va dire. Il y a des choses vraiment différentes. Mais par contre, moi, j'apporte de temps en temps, comme j'appelle mon petit grain de sable dans la programmation où, je sais pas si ça se dit, c'est très joli de dire ça, mais j'aime bien de temps en temps aussi proposer des personnes que j'estime qui pourraient convenir pour, par exemple, ça m'est déjà arrivé que Marie me dise « Ah, il manque quelqu'un pour une installation » ou « Il manque quelqu'un pour ça ». Et si j'ai une idée, ben, je vais proposer quelque chose et des fois ça marche. Et ça, c'est vrai que c'est très très gratifiant de se dire qu'on a pu aussi avoir une influence sur les artistes qui viennent au festival. Bonjour Claire. Bonjour. Alors ici on est tout en bas de Archipel. Tu as fait une petite installation. C'est exact. Alors on voit quoi nous ici? Alors on est dans la salle des veillées. Elle s'appelle comme ça, j'ai appris il y a 2 semaines, parce qu'à l'époque de la guerre, l'armée veillait ici pour être à l'affût de s'il devait agir. Mais moi, je pensais plus la veillée comme quelque chose où on maintient la vie. Et du coup, on est là à veiller sur Archipel et on pèle un peu tout ce qui lui arrive. Et on est un peu comme dans son ventre et on récolte un peu toute sa matière sonore intérieur de lui. Et t'as fait quoi comme installation ? Du coup, j'ai prolongé les murs et étendu des membranes qui sont tactiles, et des petits clous qui crient comme des petits poils internes de l'organe qu'on peut toucher et qui font du bruit. Et j'ai aussi mis plusieurs micros dans le bâtiment que je capte les sons ici qu'on récupère dans le ventre comme s'ils étaient filtrés derrière, dans l'intérieur d'un corps. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici à Archipel ? Eh bien alors, je suis la co-directrice, ce qui veut dire qu'on est deux à se partager ce rôle pour ce festival avec Denis Schuller. Et donc, ça, ce que ça veut dire, programmer les concerts, mais aussi diriger des équipes et chapeauter beaucoup de choses liées à l'organisation, que ce soit l'administration ou ce qu'on appelle la production, etc. Comment est-ce que vous choisissez vos artistes qui viennent faire une représentation ici à Archipel ? Alors, il y a beaucoup de façons de travailler. En fait, c'est plusieurs à la fois, je dirais. C'est qu'on écoute beaucoup de choses. Alors, on les écoute en disque, on les écoute sur Internet, on les écoute dans des festivals, dans d'autres concerts, des concerts isolés. Donc, on écoute et on rencontre les artistes aussi. Et c'est vraiment ça, c'est le point de départ. Avoir beaucoup de musique en tête, être un peu au courant de l'actualité. Puis ensuite, on se concerte, on se parle beaucoup avec Denis, en se disant, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça. Et souvent, on fonctionne comme ça, on rebondit. Une idée en amène une autre, et chacun dans nos domaines, mais aussi entre nous deux aussi. Et voilà, en gros, c'est des discussions et des écoutes. Tu écoutes aussi les concerts ? Alors, les concerts du festival, ça c'est sûr, je les écoute tous. Et comme je disais avant, j'écoute d'autres concerts, soit dans ma propre ville, soit en allant voyager exprès. Ouais. Est-ce que c'est toi qui choisis les menus ? Alors, les menus du restaurant, non. Par contre, j'ai choisi une cuisinière il y a déjà un an. Et donc, en effet, ça, c'est très important. Mais les menus, non, je les laisse libres, un petit peu quand même. J'aime tout contrôler, mais quand même, je laisse un petit peu de liberté. Bonjour Rudy. Bonjour Doris. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais à Archipel ? Ce que je fais à Archipel, je viens tous les matins à 8h30 pour qu'on soit prêt à 10h pour le live de la radio. Pour diffuser les petites choses et recevoir les invités et puis diffuser ton dialogue avec Vincent de Roguin et tout ça jusqu'à 13h. Et qu'est-ce que tu fais pour la radio ? Moi, je suis pas mal caché derrière mes machines, mes écrans, mes boutons et j'essaie de régler les volumes des micros, lancer justement les choses qui sont déjà préparées, les fichiers, tu sais, essayer de régler les volumes pour que ça sorte bien et que les gens entendent bien, les quelques personnes qui nous écoutent, et puis aussi pour l'archivage, parce que peut-être que tout le monde n'écoute pas maintenant en live, mais peut-être que les gens écouteront plus tard en podcast et tout ça. Est-ce que tu écoutes aussi les concerts ? C'est une très bonne question. Pas beaucoup, malheureusement, parce que finalement, je passe pas mal de temps à soit préparer des petites émissions pour pouvoir diffuser le lendemain à la radio, soit traiter les informations, préparer les choses. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour écouter les concerts. J'en ai pas entendu beaucoup. Hello, Valerio. Ciao, Doris. It's a pleasure meeting you and giving this interview. So, we are here au Festival Archipel. Yesterday night, you played here. Oh, I played two pieces. The second one was like an improvisation on electroacoustic materials, and the first one was an electroacoustic composition. Do you know the composer Giacinto Scelsi? So it's an Italian composer who was active mostly like in the 50s, 60s, 70s. And he was composing, you know, not electronic music. He was composing like music for ensembles, orchestras, this kind of stuff, like traditional acoustic instruments. But his way of composing was like really weird, because what he would do in his studio, in his home studio, he would record on like a tape recorder like this, but just like very ancient on tape, he would record sounds of different nature. So like very old synthesizer notes, some piano improvisations, some like noises that he would do with, you know, with the microphone feedback, you know, this like wee-wee kind of the thing. He would record all this stuff, and he recorded like hundreds and hundreds of tapes like this. With these noises, then he would give these noises to a friend of his, a collaborator. And this guy would just like listen to these like weird sounds and transcribe them into a score for instruments. Oh. You know, so from the noises, let's say, partition? To a partition. Okay. Okay. And then this partition was then played by musicians. Now, so all these tapes, they are like in a foundation in Rome, in the house in which Giacinto Scelsi lived. Giacinto Scelsi is dead. Because with that, like, you know, you could play and have like sound be everywhere, kind of like it becomes like an environment of sound that is like feels like really alive. And yeah, and this improvisation is based, you know, on sounds that I make and diffused in the space. And I also use like a very old tape recorder as like, with, like, you know, with actual tape cut in a loop. You understand this concept of a loop? It's just like going like so that the sounds come back and back again. Yeah. But I use this mostly like to manipulate all these other sounds and kind of organize them in real time in the space. Okay. What did you like best until now? In the festival? Yeah. Well, now, one thing that I really liked yesterday, it was, I can't remember her surname though, Nina. Nina playing the electric guitar, because it was kind of rough in a way, you know, yeah. Kind of like very rock and roll. Very rough and raw and like biting, you know, yeah. Like kind of like, and it's kind of refreshing because in this context of experimental music, contemporary yeah. music, etc., there is kind of like, sometimes it's a bit, everything is a bit too gentle to my taste. Yeah. I don't know if like, you know. Yeah, yeah. And she was like, instead she was like on fire, you know, like, yeah. like distorted guitar and yeah, I really like her stuff anyway, but like in this context was like even more, you know, like bang. And I played right after her, and I think like also like she gave me like a big kick, you know. Yeah. You know, to go like also like a bit like more in that direction, you know. Yeah. Well, thank you, Valerio. Thank you, Doris. Alors moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le concert de hier soir au Salon d'écoute de Valerio Tricoli, qui était, je sais pas, c'était vraiment super dark et en même temps ambiant. Donc tu, en fait, dans le Salon d'écoute, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une super installation de fauteuils un peu psychédéliques, donc tu te couches, puis tu oublies tout et tu te ressources avec la musique et les vibrations. En plus, il y a cet acousmonium qui va encore plus amplifier les sensations. Et en fait, vraiment, je connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Parce que c'est ça qui est bien avec Archipel aussi, c'est que comme moi, je suis pas non plus très expérimentée dans ce domaine de musique-là, ben, ça me fait apprendre beaucoup de choses. Et là, j'ai découvert Valerio Tricoli derrière ses bandes et c'était vraiment super. C'était mon concert préféré pour l'instant de ces trois jours. Super, merci Natacha. Merci Doris. J'ai préféré, j'arrive pas à en donner qu'un, mais je crois que mes grands coups de cœur jusqu'ici, c'était le concert où il y avait Nina Garcia Mariachi à la guitare électrique et en octophonie, et précédé d'Antoine Leng à la guimbarde avec l'ambisonique. Et en fait, le soir même, le concert de Valerio Tricoli avec le Revox et en multicanal aussi dans le salon d'écoute. Merci Marie. Mais merci Doris. J'ai beaucoup aimé le concert d'Antoine. Tout simplement le concert d'Antoine Leng qui jouait de la guimbarde et qui diffusait tout ça dans le système ambisonique. Et j'ai aussi assez bien aimé la composition d'Olga Kokcharova. Merci Rudy. Merci à toi Doris. Top. Archiradio. La radio du festival Archipel.